Ça ne va pas? Vous avez l'air tout sombre. Si tu manquais le tout premier rendez-vous, je crois que je deviendrais fou. Si tu manquais le tout premier rendez-vous, il me semble que je deviendrais flou. Un point tout flou. Tiens, il pleut. C'est depuis septembre que j'attends ta venue. Que me manque ton petit QI. Oui, depuis septembre, et nous voilà déjà en décembre. L'attente a gelé tous mes membres. Mais à repenser à nos acrobaties nocturnes, le dégel change de saison. La raison